Chapitre 13. Madame de Morescan rentra chez elle aussitôt, ramenée par Madame de Lerne. Son absence avait été très courte. Ses gens n'y virent rien d'extraordinaire, et son imprudente démarche demeura ignorée de son mari. Vers 5 heures du matin, elle venait de s'assoupir, brisée de fatigue et d'émotion, quand un bruit qui se faisait au-dessus de sa tête la réveilla. Elle entendit des piétinements, des froissements sourds sur le parquet. Elle comprit que son mari procédait hâtivement, avec son valet de chambre, à ses apprêts de voyage. Un peu plus tard, ce fut le roulement d'une voiture sur le pavé de la cour, puis sous la voûte de l'entrée. Il était parti. Elle se leva, elle avait la tête en feu. Elle ouvrit une des fenêtres de sa chambre qui donnait sur le jardin de son hôtel et se posa les bras croisés sur la barre d'appui. L'aspect du ciel, des nuages, des murailles, des feuilles naissantes, prenait à ses yeux quelque chose d'étrange et de fantastique. Elle écoutait vaguement les babillages joyeux d'une bande de moineaux qui saluait l'aube d'une belle journée de printemps. Elle sortit brusquement de sa morne contemplation pour aller chez son fils et pour présider elle-même, comme elle le faisait chaque jour, à la toilette matinale de l'enfant. Elle prolongea ses soins accoutumés autant qu'elle le put pour se donner, le plus longtemps possible, l'illusion d'un état de choses régulier et paisible. Quand la matinée s'avança, sa solitude, au milieu des anxiétés qui la dévoraient, lui devint intolérable. Elle se décida à appeler sa mère. Sa tendresse généreuse avait hésité jusque-là à lui faire partager cette journée d'angoisse, mais elle sentit que sa tête s'égarait. Elle informa donc en 2 lignes Madame de La Tourménil de ce qui se passait et lui envoya son billet par un exprès. Si la mère de Jeanne a cessé depuis longtemps de figurer dans les pages de ce récit, c'est que nous n'avions rien à en dire que le lecteur n'ait pu aisément deviner. Un mot suffira d'ailleurs à combler cette lacune. Madame de La Tourménil se mourait tout doucement du beau mariage qu'elle avait fait faire à sa fille. Elle était atteinte d'une affection de foi compliquée de graves désordres du côté du cœur. C'était en vain que Jeanne lui avait épargné non seulement les reproches, mais même les confidences. Elle était trop femme et trop mère. Elle avait trop souffert elle-même pour s'abuser sur la triste vérité. Et elle ne se pardonnait pas l'étrange aveuglement de vanité qui avait voué sa fille à une destinée pire encore que la sienne. Certaines mères se consolent du malheur officiel de leur fille par le bonheur de contrebande qu'elle leur voit ou qu'elle leur suppose. De telles consolations n'étaient pas à l'usage de Madame de La Tourménil. Et si quelque chose pouvait aggraver pour elle la douleur et le remords d'avoir voué sa fille à une infortune irrémédiable, c'était la mortelle appréhension de l'avoir peut-être vouée en même temps à la honte. Elle avait eu à cet égard de cruelles perplexités, et le seul jour heureux que la pauvre femme eût connu depuis des années était le jour récent où sa fille, la sentant inquiète de ses relations amicales avec Monsieur de Lerne, lui avait sauté au cou en s'écriant. Enfin, vois comme je t'embrasse. Je ne t'embrasserai pas comme cela si j'étais coupable, va. Je n'oserais plus. Madame de La Tourménil, à qui le billet de Jeanne apporta la première nouvelle du duel de Monsieur de Morescan avec le comte de Lerne, arriva chez sa fille vers midi. Il y eut d'abord entre les deux femmes plus de larmes que de paroles. Après les premières effusions, Jeanne trouva cependant une sorte de soulagement à répondre aux questions pressées de sa mère et à lui conter tout ce qu'elle savait des circonstances de la querelle, l'incident du bal, la scène qu'elle avait eue avec son mari en entrant chez elle, et jusqu'à sa visite affolée chez Jacques de Lerne. Pendant qu'elle parlait avec une volubilité fébrile, tantôt marchant, tantôt s'asseyant, elle ne cessait de jeter des regards rapides et inquiets sur la pendule de la cheminée. La rencontre devait avoir lieu à 3 heures, elle le savait. À mesure que l'heure fatale approchait, elle était plus agitée, mais elle devenait silencieuse. Sa marche machinale d'un salon à l'autre s'accélérait.

et il semble, à ceux qui respirent la paix de la campagne ou des jardins, que la paix doit régner partout, comme elle règne autour d'eux. Le temps passé d'ailleurs, et n'apportant aucune émotion nouvelle, laissait s'épuiser à demi les émotions anciennes. Jeanne et sa mère, se tenant la main sans se parler, éprouvaient toutes deux, après les agitations aiguës de la journée, une sorte de torpeur presque douce. Il était un peu plus de 5 heures du soir, quand Jeanne se dressa tout à coup. Elle avait entendu de nouveau le timbre résonner dans le vestibule. « Cette fois-ci, voilà, » dit-elle. 2 minutes s'écoulèrent. Jeanne et sa mère étaient debout, les yeux fixés sur la porte du vestibule. Un domestique parut sur le seuil, un plateau à la main. « C'est une dépêche pour madame, » dit-il. « Donnez, » dit Jeanne, en faisant 2 pas au-devant de lui. Elle attendit que le domestique se fût retiré, et sans ouvrir la dépêche, elle regarda sa mère. « Laisse-moi l'ouvrir, » murmura madame de Latourménil en essayant de prendre le télégramme. « Non, » dit la jeune femme en souriant. « J'aurai le courage, va. » Elle décacheta l'enveloppe bleue. À peine eut-elle jeté les yeux sur la dépêche qu'elle lui échappa des mains. Son regard devint fixe, ses lèvres s'agitèrent convulsivement, elle étendit ses 2 bras en croix, poussa un cri prolongé qui remplit tout l'hôtel et tomba toute raide sur le sable aux pieds de sa mère. Pendant que les domestiques accouraient à ce cri sinistre, madame de Latourménil, éperdue, se jetait sur sa fille, et tout en lui prodiguant ses soins, ramassait fiévreusement la dépêche. Voici ce qu'elle lut. Soignise, 3h30. Monsieur Jacques, blessé mortellement, vient de succomber. Signé Louis.